Je voudrais dire, avant d'entrer in medias res, que mon étude s'arrêtera en 1879. Je ne veux pas empiéter sur la communication qui va venir un peu plus tard dans l'après-midi, la communication de Madame Hélène de Lauzin, mais rien que sur ces trois premières décennies du règne, il y a beaucoup à dire. Alors, disons pour commencer que François-Joseph n'est pas lié à la France par une relation affective forte, et on pourrait même dire au contraire. La France est le pays qui a guillotiné son arrière-grand-tante. La France est le pays qui a infligé à l'Autriche deux défaites cuisantes, Austerlitz, puis Wagram. Et la France est le pays qui souffle depuis 1789 l'esprit de la Révolution en Europe. La France est précisément à l'origine du mouvement révolutionnaire qui ébranle l'Autriche lorsque le jeune François-Joseph monte sur le trône le 2 décembre 1848. L'aboutissement de cette crise révolutionnaire montre néanmoins un évident parallélisme entre les deux puissances. En effet, le coup d'État du 2 décembre 1851 clôt en France cette période et prépare la France à la restauration du pouvoir impérial et à la période de l'Empire autoritaire. En Autriche, François-Joseph, guidé par son premier ministre, le prince Félix Schwarzenberg, avait octroyé en mars 1849 une constitution libérale à ses peuples. Sauf que cette constitution n'a jamais été appliquée. Il reste à l'abolir. C'est chose faite le dernier jour de la même année, le 31 décembre 1851. Or, nul doute que François-Joseph et Schwarzenberg n'aient trouvé dans le coup d'État du 2 décembre un contexte favorable à cette patente de la Saint-Sylvestre par laquelle la Constitution est abrogée. Dans cette première partie des années 50, François-Joseph s'interroge sur la véritable nature de celui qui, de prince-président, devient Napoléon III. Le neveu de Napoléon Ier est-il un conservateur ami de l'ordre, comme son ambassadeur à Paris, le baron Hübner, cherche à l'en convaincre? Ou bien est-il toujours l'ancien Carbonaro, champion du principe des nationalités? Et si tel devait être le cas, évidemment, il représenterait une menace pour l'Autriche, par définition, une puissance multinationale. À moins qu'il ne s'agisse que de deux faces du même personnage. Et la suite va nous montrer effectivement que l'on retrouvera ces deux faces. En tout cas, la crise orientale, et lorsqu'à cette époque on parle d'Orient, je précise qu'on ne parle pas du Proche-Orient ou du Moyen-Orient d'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Orient au XIXe siècle et jusqu'en 1914 d'ailleurs, eh bien, c'est le sud-est de l'Europe, c'est l'Europe balkanique. Donc, la crise orientale qui éclate en 1853 et dont la guerre de Crimée est pour nous l'épisode le plus célèbre, voit les deux diplomaties, française et autrichienne, sur des lignes que l'on peut dire voisines. Et ça peut se comprendre. La France est entrée en guerre contre la Russie. Or, François Joseph explique à sa mère, l'archiduchesse Sophie, qu'en Orient, la Russie est notre ennemi. Ce rapprochement conduit l'Autriche à se joindre en décembre 1854 à l'alliance franco-anglaise. On aurait pu s'attendre qu'à partir de cette entrée dans l'alliance, l'Autriche irait encore plus loin, c'est-à-dire entrerait en guerre contre la Russie. Eh bien, elle ne franchit pas le pas. Et cet arrêt au milieu du gué a pour conséquence d'irriter Napoléon III, qui attendait davantage de François-Joseph et de l'Autriche. Et Napoléon III va commencer à lui en faire payer le prix lors du congrès de Paris, qui doit mettre un terme à cette guerre. Comment lui fait-il payer ce prix? Eh bien, en posant devant cet aréopage européen la question italienne. Alors, pour l'instant, c'est un avertissement sans frais, mais avertissement qui annonce des développements ultérieurs. En attendant, cette relation franco-autrichienne se manifeste sur un autre plan. Il s'agit ici d'un rapport d'influence. C'est en effet l'époque où Napoléon III et le baron Haussmann lancent à Paris un vaste programme de modernisation et d'embellissement de la capitale française. Un vaste programme qui inspire précisément l'ordonnance du 20 décembre 1857 par laquelle François-Joseph pose le préalable à une transformation du visage de Vienne en décidant l'arasement des remparts qui entourent encore la vieille ville. Une destruction qui va ouvrir la voie à la construction de la fameuse Ringstrasse. La graine semée au congrès de Paris éclot 3 ans plus tard, quand Napoléon III apporte son concours militaire au Piémont-Sardaigne dans la guerre qu'il oppose à l'Autriche en mai et juin 1859. C'est l'autre face de Napoléon III. Le conservateur s'efface devant le champion du principe des nationalités, également désireux de remettre en question l'Europe du Congrès de Vienne, dont l'Autriche est la gardienne. Metternich, évidemment, a joué un rôle majeur dans l'élaboration des conclusions de ce congrès qui a remodelé l'Europe au sortir des guerres de la Révolution et de l'Empire. François-Joseph, jusqu'alors modéré dans ses jugements à l'égard de Napoléon III, ne mâche plus ses mots. Napoléon III devient un sale type, schlechter Kerl. Une autre fois, il le traite de gredin, le gredin de Paris, der Schurke von Paris, ou bien encore de canaille. François-Joseph vise ainsi celui qu'il dénonce comme le chef d'orchestre de la révolution européenne. Et c'est effectivement donc l'autre face du personnage. De fait, pour vaincre l'Autriche, Napoléon III a noué des contacts avec Kossuth, l'homme de la révolution hongroise de 1848-49, l'homme de l'indépendance hongroise. Donc il a noué des contacts avec lui pour l'aider à former une légion hongroise qui, en soulevant la Hongrie, frapperait l'Autriche dans le dos. De même, sur les arrières de l'armée d'Italie, ce rôle est tenu par Garibaldi, autre bête noire des milieux conservateurs européens et évidemment autrichiens. Cette guerre de 1859 se termine néanmoins par un compromis qui prend la forme de l'armistice signé le 11 juillet à Villafranca. À vrai dire, l'opinion de François Joseph sur Napoléon III n'a pas changé, comme il ressort d'une lettre écrite peu avant à Élisabeth. Pour lui, Napoléon III demeure une canaille, mais nécessité fait loi. Évoquant sa prochaine rencontre avec la canaille, il ajoute: cela me sera désagréable, mais si cela peut être utile à la monarchie, alors il me faut avaler cette pilule. François Joseph serait même prêt à avaler une pilule peut-être encore plus amère. Cette guerre de 1859 relance en effet le conflit austro-prussien pour la suprématie en Allemagne, après le refus de Berlin de s'engager militairement aux côtés de l'Autriche. Or, en réponse à ce qu'il ressent comme une sorte de félonie, eh bien, François Joseph commence par penser à un axe Paris-Vienne. Un axe Paris-Vienne dirigé, évidemment, contre Berlin. C'est la ligne défendue par le nouveau ministre autrichien des Affaires étrangères, le comte Reichberg. C'est aussi la ligne défendue par le nouveau représentant de François Joseph auprès de la cour des Tuileries, le prince Richard Metternich, le fils du grand chancelier. Mais Napoléon III, pour l'instant, n'est pas intéressé par cette alliance. Mieux, ou pire, il cautionne le mouvement d'unification de l'Italie qui se poursuit et qui conduit en 1861 à la création du royaume d'Italie. Pour François Joseph, Napoléon III redevient la canaille qui n'a jamais cessé d'être, l'empereur des Français, écrit-il à sa mère, et il reste une canaille. Bien. Alors nous arrivons maintenant en 1866, qui est une date clé, une date charnière, qui constitue une sorte d'heure de vérité dans cette relation franco-autrichienne. La question qui se pose est de savoir précisément quel sera le choix de la France dans la guerre qui s'annonce entre l'Autriche et la Prusse. Notons d'abord que Napoléon III profite de cette crise, et avant le début de la guerre, pour régler un problème en suspens, celui de la Vénétie. La Vénétie que l'Autriche avait conservée après la guerre de 1859, elle avait perdu la Lombardie, mais gardé la Vénétie. Et cette Vénétie, l'Italie la convoitait. Alors, en échange de la neutralité française, l'Autriche cède la Vénétie à la France, qui la remettra à l'Italie. Dans la guerre austro-prussienne, proprement dite, Napoléon III choisit le parti de la neutralité. Il fait le pari qu'après cette guerre, les cartes seront redistribuées et qu'émergera un corps germanique organisé autour de trois pôles. Le nord, nord de l'Allemagne, autour de la Prusse. Le sud, avec la Bavière, le Württemberg, essentiellement. Et l'Autriche. Une Allemagne encore divisée, donc, et dont la France pourrait devenir l'arbitre des destinées. En tout cas, c'est le pronostic et l'espoir de Napoléon III. Après Sadova, donc la défaite de l'armée autrichienne par l'armée prussienne, l'armée de von Moltke, François-Joseph s'adresse bien à Napoléon III pour lui demander d'intervenir sous la forme d'une médiation armée qui, pense-t-il, ferait reculer Bismarck. Mais Napoléon III ne modifie pas sa ligne politique, il reste convaincu que la France s'imposera à la fin des fins dans cette position d'arbitre. Erreur de jugement, et ce n'est que l'année suivante, après le fiasco de l'affaire du Luxembourg, que Napoléon III réalise qu'il a été joué par Bismarck et qu'il vire de cap. L'heure est alors au rapprochement entre la France et l'Autriche, devenue entre-temps l'Autriche-Hongrie, de par la vertu du compromis de 1867. France et Autriche qui ont maintenant, l'une et l'autre, un même adversaire, la Prusse de Bismarck. Alors il y a cette première rencontre, effectivement, à Salzbourg, plutôt qu'à Vienne. Je ne veux pas empiéter sur la communication qui va suivre. L'objet officiel de cette rencontre, ce sont les condoléances de la France après l'exécution de Maximilien, l'empereur du Mexique. Mais au-delà des condoléances, c'est de politique que l'on va parler. Et alors, dans le cadre de ce rapprochement, François-Joseph se rend en visite officielle à Paris en octobre 1867. L'exposition universelle lui en fournit le prétexte. Alors il y fait du tourisme et il vient effectivement à Versailles pour visiter notamment le Petit Trianon et c'est l'impératrice Eugénie, grande admiratrice de la reine Marie-Antoinette qui lui fait les honneurs du Petit Trianon. Chaque soir, il fréquente un théâtre différent et il tombe visiblement sous le charme de Paris. Là encore, sa correspondance avec Élisabeth est là pour nous le confirmer. J'avais beaucoup attendu de Paris, lui écrit-il. Je suis ébahi. Je ne me l'imaginais pas aussi extraordinairement beau. Et d'ajouter une autre fois, il y aurait tant à voir, car je n'en finis pas de m'étonner et d'admirer. De tout le règne, ce sera son unique visite à Paris. Il reviendra cependant beaucoup plus tard en France pour rejoindre l'impératrice Élisabeth en villégiature au Cap Martin et pour retrouver aussi, à cette occasion, l'impératrice Eugénie. Mais revenons en octobre 1867. Une partie du séjour parisien est, ça va sans dire, occupée par des entretiens politiques. Les deux parties sont proches de la conclusion d'une alliance et pourtant, elles n'y parviennent pas. La France veut abaisser la Prusse, tandis que l'Autriche souhaite reprendre pied en Allemagne. Jusque-là, si on peut dire, tout va bien. Mais Paris et Vienne diffèrent sur la méthode. Une agression française calcule-t-on à Vienne, mettrait l'Autriche en difficulté, car il faudrait alors prévoir que la Prusse pourrait, dans ce cas, souder l'ensemble de l'Allemagne autour d'elle. Vienne propose un autre scénario, peut-être alambiqué, celui d'une guerre austro-russe qui déclenchait sur un contentieux de puissance dans les Balkans, s'étendrait ensuite à la France et à la Prusse. La guerre ne trouvant pas son point d'origine en Allemagne, il serait plus facile, à la fin du conflit, de remettre le dossier allemand à plat. Sauf que ce scénario ne reçoit pas l'agrément de Paris, qui n'a pas de contentieux avec la Russie et qui ne voit pas la nécessité de passer par un conflit armé avec Saint-Pétersbourg. La suite n'est que la conséquence logique de ce désaccord. À la veille de la guerre franco-prussienne, le Conseil de la Couronne, réuni le 18 juillet à Vienne, constatant que la France se place dans la position de l'agresseur, même si elle est tombée dans le piège tendu par Bismarck, la dépêche d'Ems, décide que la monarchie restera neutre. Ce qui n'empêche pas tous les participants à ce conseil, à commencer par François Joseph, de former des vœux pour la France. Peut-être d'ailleurs, dans l'hypothèse, qui ne s'est pas vérifiée, où la France aurait engrangé des victoires, peut-être alors la monarchie aurait-elle rallié le camp du vainqueur. Mais la campagne prend un tout autre tour, au grand déplaisir d'ailleurs de François-Joseph. Il ne le cache pas, notamment encore dans sa correspondance avec avec l'archiduchesse Sophie, sa mère, puisque il tient les succès prussiens pour une véritable catastrophe. Les nouvelles de France sont terribles, écrit-il en août à l'archiduchesse Sophie. Et ces nouvelles, ce sont des fêtes françaises qui s'accumulent. Pour autant, il ne reste pas longtemps sur cette position. Il prend rapidement acte de la nouvelle donne créée en Europe par la fondation de l'Empire allemand et par l'effacement de la France. Et puisque la France est désormais hors jeu, il fait le choix de se rapprocher de l'Allemagne. La conclusion d'une alliance austro-allemande devient maintenant l'objectif de la diplomatie austro-hongroise. Alliance dont il attend qu'elle couvre l'Autriche-Hongrie dans sa poussée vers le sud-est européen où elle risque immanquablement de se heurter à la Russie. Le but est atteint en octobre 1879, le terme de mon propos, avec la signature de ce traité d'alliance. Par cette alliance, l'Autriche-Hongrie lie donc son destin à celui de l'Allemagne et s'éloigne ipso facto de la France, avec laquelle elle n'a pourtant aucun contentieux. C'est un virage décisif et qui sera évidemment lourdes conséquences. Alors, il est un ultime point à souligner. François Joseph parle et écrit parfaitement le français. Ce qui, en soi, n'a peut-être rien d'extraordinaire, parce que le français continue d'être, dans ces années, la koinée de l'aristocratie européenne. Par ailleurs, il n'est sans doute pas un adepte de la littérature française, mais j'ajouterai aussitôt qu'il ne l'est pas davantage de la littérature autrichienne. Il est un lecteur acharné des dossiers, c'est l'empereur bureaucrate, évoqué tout à l'heure. Ce n'est pas un lecteur de romans, ni de poésie d'ailleurs. Il lit en revanche avec la plus extrême attention les dépêches des ambassadeurs. Or, ces dépêches sont très longtemps rédigées en français. Alors, il les lit pour leur contenu, bien sûr. Ça va de soi, il est le maître de la diplomatie autrichienne et austro-hongroise. C'est lui qui détermine les actes et les axes de cette diplomatie. Mais il lit aussi ses dépêches par rapport à la qualité du style. À vrai dire, celle-ci est le plus souvent, pour ne pas dire toujours, remarquable. Les ambassadeurs autrichiens, austro-hongrois ont une belle plume dans la langue de Voltaire. Faut-il rappeler, par exemple, que le prince Richard Metternich, dont le nom a été cité tout à l'heure, eh bien, fut celui des participants à la fameuse dictée de Mérimée, celui qui fit le moins de fautes. 3 fautes. Alors que l'empereur des Français en fit plusieurs dizaines. Bon. Mais, ne lui jetons pas la pierre. En tout cas, pour revenir à François-Joseph, malheur à celui de ses ambassadeurs qui se rendait coupable d'un solécisme. Ça pouvait contrarier l'avancement de sa carrière. Et j'ajouterais, et ça on peut le voir aisément lorsqu'on dépouille des archives à Vienne, eh bien François-Joseph ne manquait jamais de souligner le solécisme, la faute, fût-elle vénielle, dans la marge. Je vous remercie.